Radio, le réveil le plus sympa de la bande FM. Mais qu'est-ce que j'en ai à foutre? Si vous trouvez plus sympa ailleurs, Fun Radio vous rembourse deux fois la différence. Fun. Alors Julien, on va donc jouer au Free Code Game. Tu connais le principe? Oui. Oui, bah, je vais quand même le rappeler hein, pour ceux qui connaissent pas. Le Free Code Game, évidemment, c'est ça. Le Free Code Game. Exactement. Et donc, le principe est simple. Je vais te poser, il y a quatre séries de questions. Tu vas en choisir une des quatre. Petit paquet, grand paquet, durum ou mitraillette. Ça va des questions les plus faciles aux questions les plus compliquées. Ça va des plus petits aux plus gros cadeaux. Comme petit paquet, c'est une compile fun. Grand paquet, ce sont des places de ciné. Durum, c'est pour un iPod. Et mitraillette, c'est pour une tablette. Qu'est-ce que tu choisis, Julien? Mitraillette. Mitraillette, ah bah je suis gourmand, on y va alors. Tu as faim. Allez, 5 questions, tu fais 3 sur 5 minimum et c'est gagné, on y va. Que représente le disque rouge sur le drapeau japonais? Le soleil. Bonne réponse, effectivement. Excuse-moi, je suis parti dans tous les en sucette là. Question suivante, quel événement sépare l'histoire de la préhistoire? Oui. Je ne sais pas. Eh bien, c'était bien essayé, mais c'est une mauvaise réponse. C'est l'écriture. Quand a eu lieu le débarquement en Normandie? En 44. Oui, mais quand? Ah oui. Malheureusement, c'est perdu. Je sais, mais... 6 juin 1944. Bah, tu l'assumes, hein, tu le sais de nouveau. Voilà. Qui était Minou Drouet? Minou Drouet? Oui. Oh, c'est mignon, ce Minou Drouet. Mais oui, c'est comme un chat. Une femme, je sais pas. Oui. Non, mais c'est comme moi, en fait. Un poète. Exactement. C'est un petit peu ce que je suis. Et enfin, dernière question. À Milan près, en quelle année a été inventé le savon? En 2005, je sais pas. En 2005. Et oui, les gens avant 2005 étaient des gros dégueulasses. Voilà. Et ben non, c'est perdu. C'était en 3000 avant Jésus-Christ. Ah bon? Eh oui. Ah, ça date. Eh oui, ça date, effectivement. Bon, ce qui fait. Merci Aline hein, de cette précision, parce que sans toi, on aurait pas percuté que ça datait, tu vois. Ouais, c'est ça. Avec plaisir. On n'aurait pas percuté. Le savon a donc 5000 ans, et effectivement, oui. Ça date. Et oui, ça date. Ouais. Bon, ben Julien, malheureusement, c'est perdu. D'ailleurs, est-ce qu'il était déjà vivant à l'époque, ça date? Peut-être. Non, c'était trop ça. Ah pardon, c'était trop. Bon bah Julien, malheureusement c'est perdu, mais tu retentes ta chance quand tu veux, d'accord? Oui, ça va. Allez, passe une bonne journée à l'écoute de Fun, à bientôt. Salut. Merci, au revoir. Salut Julien. Tous les matins, 6h, 6h30, c'est le replay de Mickaël à la radio sur Fun Radio. Fun Radio. Mickaël à la radio, c'est plus d'infos. Plus de météo que sur les autres radios. Demain il pleut, c'est tout. Plus de suspense que dans un jeu télé. Eh ben c'est perdu. Ah non, t'as gagné. Ouais, bon écoute, tu verras au standard hein. Cherchez pas ailleurs, le meilleur des réveils, c'est sur Fun. Fun. Mickaël à la radio, 6h-9h30 sur Fun Radio. Question existentielle, aujourd'hui c'est l'anniversaire de Toff. Et donc du coup, bah il s'est dit, comment faire pour pallier à tous ces gens qui vont te poser la même question idiote? Et un oui. An de plus, ça fait quoi? Ça fait quoi? Voilà. Ben je ne sais pas. Ben voilà. Mais je me suis dit que peut-être les gens pouvaient m'aider. Exactement. Donc on va appeler à s'ouvrir maintenant là pour voir si effectivement peut-être ils vont s'ouvrir. Bah oui, je sais pas s'ils ont une réponse ou pas, donc on appelle. En tout cas, bon anniversaire Top. Merci. Mais qu'est-ce que t'as demandé là? Ça fait 3 fois que tu souhaites bon anniversaire. C'est grave. Et au cas où il y a des auditeurs. Ouais, au cas où. Elle veut juste montrer que t'es sympa en fait. Ouais. D'accord. Tu vas s'occuper de toi après, hein, c'est pas un problème. Non, mais. Ah, s'ouvrez, attention. Allô? Oui, bonjour monsieur. Allô? Oui, bonjour monsieur. Oui. Oui, voilà, je vous appelais, j'avais une petite question à vous poser. Dites-moi. Bah voilà, en fait, aujourd'hui c'est mon anniversaire et tout le monde va me demander ça fait quoi de prendre un an de plus. Alors comme je sais pas quoi leur dire, je me disais que peut-être vous auriez une réponse. Bah ça fait un an de plus. Et voilà. Au bon accueil. Bonjour. J'adore. On va quand même le rappeler hein, parce que bon, on lui a posé une question certes, mais c'était pas non plus la peine de nous raccrocher au nez violemment comme ça là hein. Ça se fait pas, je trouve. Vous êtes jamais content, il a répondu là. Bah non, mais d'accord, mais enfin bon, un moment, un minimum de politesse quoi. Regarde, moi je suis poli. Allô. Oui, excusez-moi, mais c'est un peu nul comme réponse quand même. Pardon? Je dis, elle était un peu nulle votre réponse quand même. Bah, je sais bien. Ah ouais, mais vous n'avez pas mieux? Non, j'ai pas mieux. Ah ouais, mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec ça? Moi, si je dis ça aux gens, ils vont me rire au nez. Bah, tout à fait, c'est pour ça qu'on passe à la radio. Il est con, pourquoi il a raccroché? Je pense qu'on est au summum de l'aigreur. Bah oui, mais en plus, s'il avait pas raccroché et qu'il avait dit que c'est pas la radio, bah il aurait gagné un truc. Pourquoi il a fait ça? Il est bête? Tant pis. Mickaël à la radio. Le replay. Il n'arrêtera pas la faim dans le monde. Il ne remboursera pas la dette de l'Europe. Il n'arrêtera pas les guerres. En fait, il ne changera rien. Mickaël vous sort du lit tous les matins et c'est déjà pas mal. This is Mickaël à la radio. 6h-9h30 sur Fun Radio. Eh bien, la ligne anti-relou, les meilleurs messages laissés sur le 0473 86 0013. Oui, bonjour Sylvain, j'arrive plus à mettre de petites annonces coquines. Est-ce que vous pourriez faire quelque chose, parce que ça fait au moins une quinzaine de fois que j'essaye de passer une annonce dans la catégorie des travestis, mais j'arrive jamais. Ah bah oui. Je vous remercie Sylvain, au revoir. Mais avec plaisir, écoute, pas de problème. On te donnera les informations pour que tu puisses poster dans ton annonce, dans ta rubrique travestis, il n'y a pas de problème. Ah oui. Allez, dernier message. Oui, bonjour les minettes. Ici c'est Patrick de Adopte un mec, on a discuté ensemble hier soir. Donc c'était pour savoir à quelle heure ce soir on se donne rendez-vous devant l'hôtel. Donc j'attends votre appel. Merci, à plus tard. Au revoir. Luminette. J'adore ce site, ça me fait trop rire. Adopte un mec, c'est n'importe quoi. Bon, c'est rigolo. Bah oui, c'est rigolo. Tous les matins, 6h, 6h30, c'est le replay de Mickaël à la radio sur Fun Radio. Fun Radio. Les vacances sont déjà terminées. Miné. Non, je veux pas bosser. Oh non, je veux pas bosser. Tu sais, je veux pas bosser. Oh. Il faut que je trouve un certif. Je veux pas bosser. Oh. Il me faut un docteur, même si je dois le soudoyer. Oh. Il faut que je trouve un certif. Je veux pas bosser. Les vacances sont déjà terminées. Miné. Je suis déprimé, car c'est déjà la rentrée. Dur de sortir du lit, une chose me manque, c'est les grasses matinées. Et l'essence qui fait que monter, ceux au pouvoir veulent tous nous ruiner. Tu dois faire les bons choix, yeah. En octobre, on devra tous voter. Et si je n'ai plus d'amonie, yeah. Les vacances sont tout englouties, yeah. Même toutes mes économies, yeah. Je me retrouve fauché, yeah. La crise n'est pas notre ami, yeah. Les dégâts, elle a commis, yeah. C'est Fun Radio, paye tes factures, yeah. Paye tes factures. Je veux pas bosser. Oh. Il faut que je trouve un certif. Je veux pas bosser. Oh. Il me faut un docteur, même si je dois le soudoyer. Oh. Il faut que je trouve un certif. Je veux pas bosser. Les vacances sont déjà terminées. Miné. Pour déconner, à la rentrée, le morning sur Fun Radio, c'est Mickaël. Faut écouter, quel tel avant ou pendant le boulot. Où que tu sois, allume donc ta radio. À moins que Toff te réveille très très tôt. Ouais, à toi décider. Si je n'ai plus de money, les vacances sont tout englouties. Même toutes mes économies, je me retrouve fauché. La crise n'est pas notre ami, les dégâts elle a commis. C'est Fun Radio, paye tes factures, yeah. Paye tes factures. Je veux pas bosser. Oh. Il faut que je trouve un certif. Je veux pas bosser. Oh. Il me faut un docteur, même si je dois le soudoyer. Oh. Il faut que je trouve un certif. Je veux pas bosser. Les vacances sont déjà terminées. Miné. Morning Show. Réveillez-vous avec Mickaël. Je vais passer une nuit magnifique. Ouais, mais maintenant tu vas penser à partir, hein. Mickaël à la radio, tous les matins, 6h-9h30, sur Fun Radio. Fun Radio. J'ai fait un truc hier, Audrey. J'ai fait un truc. Ouais, hier dans la journée, tu faisais quoi? Hier dans la journée, bah je bossais, hein. Tu bossais, donc bah tu n'as pas eu le temps de regarder la télé. Non, j'ai pas c'est le bien temps. Malheureux, c'est bien malheureux. Arrêté. Non, parce que je suis scandalisé. Ouais. Scandalisé. Donc, un truc comme ça, il est arrivé. Alors je suis dans la télé hier, tranquille. Pour rien, comme d'habitude, quoi, tu vois. Un truc normal. Non mais voilà, un truc normal, c'est ça, en plein après-midi, voilà, une heure où les enfants sont normalement eux aussi devant la télé. Ouais. Et puis j'entends ça. Caroline, à votre arrivée à la maternité, vous étiez dilatée à trois doigts. Non mais sur le service public français. Vous étiez dilatée à trois doigts. À trois doigts, c'est ça. Beau, ça. Non mais attends, mais c'est pas fini parce qu'après elle remet ça. C'est quoi trois doigts? Enfin, c'est mes trois mois de doigts à moi, c'est les vôtres. Alors je n'ai pas été. C'est incroyable. Mais oui. Hein, c'est trois doigts, c'est les vôtres, etc. Non, parce que sur le plateau, il y a un mec aussi qui lui aussi il veut mettre du sien. Hein. Je n'ai pas reçu une formation en termes de nombre de doigts, personnellement. Voilà, et il continue, c'est toujours. Et alors évidemment, il en rajoute encore. Hein. Trois doigts, c'est 3 cm. D'accord. 10 doigts, c'est 10 cm. Ça sous-entendrait qu'il faut mettre les deux mains dans le vagin. Qu'est-ce que c'est que ça? Non mais que fait le CSA? C'est scandaleux. Bon, évidemment, ressorti du contexte, c'est totalement différent. Mais sinon, quand t'arrives dessus et que t'entends ça, le truc... 3 doigts, c'est 3 cm. D'accord. 10 doigts, c'est 10 cm. Ça sous-entendrait qu'il faut mettre les deux mains dans le vagin. Bah c'est ça, oui, mais oui, mais voilà. Heureusement, c'est une émission médicale. Caroline, à votre arrivée à la maternité, vous étiez dilatée à 3 doigts. Eh oui. Et elle, ça l'a fait rire. Nous aussi, ça nous a fait rire, sur le moment même. Je te cache pas. Bon, pensons à ses enfants qui regardent la télé. Mais exactement. 3 doigts, c'est 3 cm. D'accord. 10 doigts, c'est 10 cm. Ça sous-entendrait qu'il faut mettre les deux mains dans le vagin. Voilà, donc on a une nouvelle unité de mesure. Donc maintenant, Tof, donc la tienne fait 3 doigts, c'est ça? Voilà, à peu près. Voilà, à peu près. 3 doigts, 3 doigts et demi, quoi. D'accord, voilà. Michael, à la radio, le replay.